C'est parce qu'ils ont découvert des géants aussi dernièrement, hein. Je retrouve une espèce de. Ah, oh, ça fait longtemps qu'on a découvert des cadavres de géants. Puis là, ça Il y en a se. d'autres, depuis quelques, je sais pas, un an, 2 ans, ils ont trouvé d'autres affaires de races de géants. C'est une race qui existait, qui existe peut-être encore, je ne sais pas. En tout Ah, cas, ça coupait, j'ai pas entendu. hein? Ça coupe, hein, ta ligne beaucoup. C'est-tu Ça ton coupait, j'ai service? pas entendu. Ça se Ben, je ne me peut. rappelle déjà plus, Bertol. Ben moi, je m'en rappelle, par exemple, c'est Ah, que moi. Mona faisait allusion qu'ils ont découvert des cadavres de géants, donc de gens très grands. C'est sûr que dans la Bible, il y avait été question, entre autres, de la race des géants. Puis, ça m'amène à vous parler. Oui, c'est vrai, il y a eu, on nous a dit qu'il y a eu la découverte de momies extraterrestres. Il y a un pays d'Amérique du Sud, le Pérou, qui a dévoilé, c'est quand même gros, publiquement, devant les gens au Parlement, qu'il y aurait eu des cadavres extraterrestres qui auraient été conservés. Ça a sorti par après que c'était des os d'animaux, des mélanges de ci pis de ça, pis d'envoi de dons, là. Mais ça, il n'en reparle plus. Mais l'histoire, là, c'est que le Pérou il a sorti l'histoire, mais ça faisait des années qu'un chercheur essayait de les sensibiliser à ce qu'il avait découvert ou plusieurs tentatives, puis il faisait la sourde oreille, il ne voulait rien entendre. Moi, je pense qu'il a amené des choses très concrètes, mais que le Pérou ne veut pas dealer avec ça, puis là, ils font tout pour dire que ce n'est pas ça. Et on fait la sourde oreille, ils sont vraiment fourrés avec ça parce que ça prouve que ça scrappe. Il y a beaucoup de religions, de croyances religieuses en passant, là. Ben Les bon, gens ça qui croient s'accorde avec. là-dessus, puis eux autres après, là, puis qu'il n'y a rien d'autre, là, on vient de sacrer une claque à la gueule. Ben, ça, c'est assez lié. Ça scrape des interprétations. Ouais, mais ça crée des chocs importants. Il y a des gens qui peuvent virer fous si tu leur enlèves leurs croyances, Bertha, tu le sais. Hein. Ouais, mais Des moi, ça, gens, je le des vois. populations qui virent fous, ça peut être dangereux. Non, c'est Ben ça. justement, ben moi, quand je les ai vus, les momies qu'il y avait d'exposer au Mexique, là. J'ai tout de suite vu que c'était de la merde, c'est pas. Bien, ça dépend, Bertol. Il y a eu des analyses qui ont été faites, puis ils en ont montré peut-être deux, trois devant la caméra, mais il y en a d'autres aussi. Il y en a plusieurs qui ont été amenés au Mexique, mais ça provenait du Pérou. Puis là, il y a eu des analyses à multiples niveaux. À un moment donné, j'ai écouté un vidéo documentaire qui disait qu'il avait retrouvé des métaux dedans, tu sais, ça pouvait pas être juste mis comme ça. C'est sûr, ça peut être critiquable. Je suis d'accord avec toi, il faut faire preuve d'esprit critique par rapport à ça, parce que par rapport à affirmation incroyable, ça prend des preuves aussi à la même hauteur, là. Mais il y a peut-être un fond de vérité ou de réalité derrière ça quand même. Oh, cette affaire-là en particulier, là, que justement, avec le même, je me rappelle plus de son nom, là. Il y en a un qui est lié à la promotion de ça beaucoup, puis tout. Là, j'y crois pas, pas tout. Mais vraiment pas. Ça se peut, c'est dur à savoir hein, de loin de même là, pour nous, mais ne pas croire est toujours une protection. Ben là, quand je les ai vus, les momies, tu sais, je veux dire, un être vivant, ça va obéir à certaines lois au niveau de son corps. Ben, tu regardes les articulations des épaules, ben voyons-le. En plus, ceux qui ont fait ça ne sont pas très talentueux. C'était vraiment mal fait. Ben, il y a des Tu choses faisais que pas rien. je trouvais ça bizarre dans le sens que tu vois qu'il y avait trois doigts. Or, trois doigts sans le pouce, tu peux pas prendre d'objet. Tu sais, c'est comme Ben trois doigts non, pour mais gratter. c'est parce qu'une civilisation extrêmement avancée n'a pas été rendue à un stade de son développement où elle n'a plus besoin de prendre d'objet. Parce qu'elle a une technologie tellement avancée que la technologie se entretient elle-même, puis au cours de leur évolution, ils peuvent perdre un pouce devenu inutile. Humainement parlant, on sait qu'un organe non utilisé comme la petite orteille est sur le bord de disparaître parce qu'elle sert à rien, de plus en plus elle disparaît. L'appendice aussi, l'appendicite est en train de disparaître parce qu'elle est plus utilisée, effectivement, ça peut être ça. C'est difficile à savoir la vérité dans ces C'est pour affaires-là. ça qu'une bébite à trois doigts, ça ne me surprendrait pas si ça fait des millions d'années qu'elle est bien avancée Mais à ce technologiquement. moment-là, pourquoi conserver les trois doigts si ils ont plus besoin de faire de l'appréhension d'objets? Parce que probablement qu'ils les insèrent dans de la technologie, puis qu'avec leur système nerveux, ils peuvent contrôler de la machinerie, peut-être. Mais rendu à ce stade-là, est-ce qu'il y aurait encore besoin d'une enveloppe corporelle si la machine pourrait être leur prolongation de leur conscience? Pourquoi avoir besoin d'une machine comme. Quand on a une aussi belle que la C'est nôtre. ça. Ben, c'est peut-être une C'est. façon de compenser. C'est un petit peu comme si éventuellement il y a la colonisation de Mars, la planète. Elon Musk, l'un des projets que j'avais compris, c'était d'amener des robots dotés d'intelligence artificielle pour faire le sale travail, c'est-à-dire mettre les infrastructures en place pour ensuite que ça soit vivable pour que des êtres humains aillent là. Bon voyage. Ouais, parce que moi, Elon Musk, là, Puis Mars en plus, t'as ben, pas t'sais, d'aller là pour tout commencer par faire le sale travail sur la Terre ici, on verra après. Là. ça. Ouais, très bonne idée. C'est ça, mais Parce que. si on pousse l'argument plus loin par rapport à ces dites momies, s'il y a un pourcentage, parce qu'il était question qu'ils avaient analysé, puis il y avait un pourcentage de gènes non humains, si par exemple il y a 30% du génome qui ne sont pas attribuables à un être humain. Ben là, c'est parce que peut-être qu'ils ont fait, il y a des morceaux de poulet là-dedans, puis ceux qui les ont fait, ils ont peut-être mis toutes sortes de goûter. Oui, Ouais. différentes Moi, je pars de l'idée choses. que c'est une fraude, fait que c'est sûr d'avoir de l'ADN non humain là-dedans, là. Moi, j'ai pensé que c'était des extraterrestres qui sont remontés à la surface. Excuse. Les trois doigts, quand j'ai vu ça, j'ai dit des extraterrestres qui remontent à la surface ou quoi? Je blague parce que on le savait, je rigole parce que qu'est-ce qu'on peut. C'est difficile de savoir vraiment est-ce que c'est réel ou pas ce qu'ils nous ont Ouais, montré. moi, j'ai C'est trouvé que ça certain qu'il y a des. ressemblait. Hein? Comment? C'est comme de l'art contemporain, ça, là. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que c'est évident. Pour moi, on est des extraterrestres. Je te l'ai déjà dit, je le dis. Pour nous, pour moi, nous sommes des extraterrestres implantés. Que je... On vient pas de la Terre. On a été implantés sur la Terre, pour moi. Ben, au niveau Fait de que l'esprit, je te c'est un suis totalement, extraterrestre. Mona, c'est-à-dire que. Au-delà de notre enveloppe composée de carbone puis d'éléments de la Terre, ben, la conscience, c'est pas limité à. Ça prend pas Non. nécessairement racine, ben, c'est-à-dire ça s'incarne dans un contexte là, qui peut être planétaire, mais je veux dire, la conscience à la base, c'est extradimensionnel. Ouais. Mais c'est parce que je faisais référence au chaîne en manquant. OK. Ben, en fait, c'est là que je voulais en venir, c'est-à-dire tantôt. Effectivement, dans l'évolution de Darwin, on ne sait pas trop quoi faire avec. Ben, Je pensais que c'était une race qui était implantée. c'est ça, mais les manipulations génétiques dans le passé pourraient être en lien avec le fait s'ils trouvent que sur ces êtres-là, il y a à peu près 30% d'ADN qui n'est pas humain, c'est parce qu'il y a eu une mutation entre eux et les êtres humains. Il y a eu beaucoup d'expérimentation qui a été faite pour essayer de développer la race ici, en passant. Ouais, mais là, C'est du monde, hein, Bertol? Mais les catins dans le parmesan au Mexique, ça n'a pas rapport, ça, là. Tant qu'à moi, là. Les catins? Ben oui, les affaires qui Les ont sorti au momies qui ont Mexique, c'est été pas une fraude, extraterrestres. ça, tant qu'à moi. Ben, Quand j'ai vu ça. ça Juste se... la Ouais, ça se peut qu'il y ait de la fraude derrière ça, mais il y a quand Ah. même une réalité ufologique, qu'il y a eu des corps de géants auxquels Mona faisait allusion qui ont été retrouvés. Moi, je dis pas le contraire, mais tu me parles de des échantillons ADN de ça, de ces affaires-là qui ont explosé au Mexique. Mais là, on va avoir le suivi. Ben, peut-être qu'on ne l'aura pas, remarque, mais il était supposé, suite à ces affirmations-là du promoteur, que bon, c'est un homme d'affaires, etc., qu'il y a une contre-expertise pour valider tout ça. Déjà, il y a un homme d'affaires, Bertolt Brown Ben Blackwood. là, tu te Pourquoi? souviens-tu, dans le début des années 90, l'autopsie d'un extraterrestre, il y avait un promoteur, puis il vendait la cassette à des Oui, postes je de sais que télé. c'était une opportunité d'affaires pour lui, Ben puis il là. va faire un buzz international parce que ça vidé, tu sais, aujourd'hui, ça devient viral sur le web, son truc, ça sortit au Parlement mexicain. Mais le gars, Ben moi, je si. m'en. Ouais. Tu te souviens-tu, ça avait passé à Claire Oui, Lamarche, puis le puis monde Jean Cazot avait été s'astinait. interviewé à l'époque, je m'en rappelle encore. Tu sais, moi. Tu sais, j'étais jeune, là, puis tu sais, ben, c'était une fraude, cette affaire-là, c'est évident. C'est une affaire pour faire de l'argent. Qu'est-ce qu'ils ont assassiné? Ils sont ben épais. Mais ça Ça remplit du m'est. temps d'antenne, puis ça permet à ces gens-là d'avoir une visibilité médiatique qu'ils n'auraient pas autrement. Ben, Ben. justement, peut-être serait mieux de pas en avoir. OK, peut-être qu'on leur a donné trop d'importance. Même chose pour Ben ce oui, qui. mais à chaque fois qu'il y a des sujets de même, puis tout, c'est tout le temps du monde qui n'ont pas d'allure, qui ont du temps d'antenne. Après moi, c'est de la diversion. Ce que je C'est comprends, ça. Ben, vous moi aussi, je le vois de même. c'est peut-être Nous pour sommes ça, discréditer le les phénomène extraterrestres, David. extraterrestre. On Ouais. parle de. Vas-y. excusez, mais ce que tu dis, c'est pas bête. C'est peut-être pour discréditer le phénomène extraterrestre, alors que dans les faits, il y a peut-être des cadavres de géants qui ont été retrouvés. Puis là, on va tout mettre dans le même panier pour des raisons d'amalgame. On va dire, ben là, si c'est pas vrai, des affaires peu crédibles, les momies extraterrestres, ça doit tout être faux, les cadavres qui ont été trouvés au fil du temps. Ben, c'est comme les photos de corps de géants qui circulent sur Internet, là. Les 9 dixièmes, c'est évident que c'est pas réel, là. Oui, Tu mais sais, là, il y en a eu des vrais qui ont été c'est un petit trouvés. peu de vérité avec beaucoup de C'est mensonges, ça. mais ça se peut. Oui, je comprends ton point.